L'actualité à Nancy et ailleurs. L'ACL, Association des commerçants de Liverdin, organise Liverdin Plage jusqu'au 6 août, du 22 juillet au 6 août. Pour nous en parler, Nathalie Coche, secrétaire de l'Association des commerçants de Liverdin. Première question, est-ce que c'est la première fois qu'est organisé Liverdin Plage ? Alors non, pas du tout, puisqu'il s'agit pour l'édition 2017 de la 6e manifestation. C'est une manifestation estivale donc qui est organisée par notre association et qui remporte, je peux le dire, un certain petit succès puisque les gens sont satisfaits de revenir et nous sommes nous-mêmes très satisfaits et contents de ces échanges qui se construisent autour de cette manifestation. Alors Liverdin Plage, ça se situe où précisément ? Liverdin Plage, ça se situe esplanade du Moulin, rue Eugène Le Rebourg, au bord de la Moselle, en direction du camping de Liverdin. Alors qu'avez-vous installé sur ce bord de la Moselle pour plonger les visiteurs et les personnes qui viendraient dans une ambiance de plage ? Nous avons organisé une plage de sable fin. Il y a des transats, des structures gonflables pour les enfants. Nous avons aussi notre restaurant La Paillotte, donc c'est un restaurant de plage en terrasse. Et tout ceci se situe aux abords de la Moselle dans un cadre très pittoresque qui est propice à la détente et au bien-être. Alors c'était quoi l'idée de départ ? Pourquoi avoir choisi de créer, même si c'était il y a 6 ans ou 7 ans, Liverdin Plage ? L'idée est venue, il y a certaines personnes qui ne partent pas en vacances, qui ont besoin effectivement de rencontres, de sortir de leur cadre quotidien. Et puis, c'était aussi une idée de se dire, les gens qui rentrent de vacances, eh ben, on a toujours envie de poursuivre une petite partie de ce que l'on a vécu en dehors de chez soi. Nous avons donc décidé de faire un petit peu une action pour que les gens puissent retrouver un équilibre entre ceux qui ne sont pas partis et ceux qui sont partis, qui reviennent, mais qui malheureusement attendent seulement l'année d'après pour pouvoir retrouver un petit décor de plage et de rêve. D'accord, donc c'est l'association des commerçants de Liverdin qui propose ce service bénévolement. Oui, tout à fait, nous sommes plusieurs bénévoles sur le site. Alors j'ai cru voir aussi que cette action était au profit des enfants hospitalisés. Oui, tout à fait, cette action est au profit des enfants hospitalisés au CHU Nancy-Brabois et puis aussi pour l'enfance maltraitée. Donc en plus, en allant se détendre, on rend service à des Exactement. Enfants et on passe un bon moment sur place. C'est ouvert à partir de quelle heure ? C'est ouvert tous les jours de 8h30 à 22h, puisque dès 8h30, nous proposons des petits déjeuners. Ensuite, nous avons la possibilité donc, de se restaurer en continu, hein, je dis bien, aussi bien menu, glace, boisson jusqu'à 22h. Nous n'avons pas de répit, nous sommes là pour le bien-être de tous. Nous avons plusieurs temps forts puisque nous proposons des moules frites à volonté tous les dimanches midi et les soirs. Nous avons aussi un cochon cuit au feu de bois avec frites à volonté tous les mercredis midi et soir. Mmh. Et nous avons aussi des temps forts puisque La Paillotte propose des soirées à thème. Soirée à thème qui s'articule des dîners spectacles tous les vendredis et les samedis soirs. Donc, à titre d'exemple, nous démarrons le 22 juillet avec un dîner spectacle basé sur les années 60, avec un lâcher aussi de Sky Lantern. Et nous poursuivrons le 29 juillet avec un dîner spectacle Live Fever années 80. Mmh. Nous avons aussi une soirée le 4 août, un dîner spectacle sur les 100 ans de tubes. Et le 5 août, le cabaret Tour du Monde. Donc si vous voulez bien entendu plus de précisions, eh bien, il faut nous contacter au 06 59 79 64 55. Et à ce moment-là, on pourra échanger et expliquer ce que vous réserve ces soirées. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces explications très précises. Et bonnes vacances et merci. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Et puis, bonne journée à vous. L'actu associative, des idées de sortie, l'info proche de chez vous, c'est aussi sur Fadjet.